But if you got all the language right, bravo! You're ready to continue with this next dialogue, as the hotel receptionist gives Hélène and Georges directions on how to get to the bookshop. Regardez, madame. Nous sommes ici sur le plan, la rue Victor Hugo. Vous voyez? Ah oui. Eh bien, en sortant de l'hôtel, tournez à gauche, allez tout droit, et prenez la première rue à droite. Et la rue Charlot est la... quatrième. Oui, la quatrième à gauche.